puis les ambassadeurs de Chibougamau avec l'instructeur-chef Michael Godreau, les ambassadeurs qui étaient de retour sur la glace en fin de semaine pour disputer quatre rencontres. Salut Michael. Une victoire, trois défaites en fin de semaine. Comment c'était d'abord, parce que vous ne jouez pas la semaine passée, donc il y a dû avoir, j'imagine, une journée de congé, quoi? Oui, c'est en plein ça. On a eu quatre bonnes pratiques. Après ça, on a pu se regrouper un peu. On se prépare une chimie. Ça va quand même bien ce côté-là. Tout ce qu'on va pratiquer, mieux que ça va aller encore. OK. Donc, c'était quatre matchs. C'est assez dur. Quatre rencontres contre des équipes, deux fois deux programmes d'eau. Il me semble que c'est la première année que vous faites ça, non? Il n'y a pas d'entraîneur sur Terre qui voudrait être avec une jeune équipe comme on a. Pas prêt en début de saison. En tout cas, c'est faut ce qu'il faut, là. C'est des ententes qu'on a pris entre organisation. Mais quatre matchs en 30 heures, vous pouvez être sûr que ça arrivera plus. OK. Est-ce que c'est la seule fois que ça arrive? C'est quoi? Pourquoi qu'est-ce qui est arrivé? Tu dis des ententes? Parce que j'imagine que les équipes voulaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, on avait trois matchs de Cédulo de part. OK. Deux contre Bécomo, une contre Jonquière. Puis Bécomo se trouvait à venir chez nous pour un match. Donc là, ils ont négocié là, si on pouvait jouer le troisième match tant qu'à être là, au lieu de venir à Chibougamau. Puis c'est comme nous autres, l'organisation des ambassadeurs de Chibougamau, on travaille dans le bon sens du monde. On a trouvé que ça avait bien du bon sens. Fait qu'on a joué cette partie-là, mais à refaire, je pense que sans être contre l'organisation de Bécomo, à refaire, on aurait fait. Parce que je pense que Bécomo, il va pas à Chibougamau, hein? Et vice-versa, hein? Ouais, ben là, il est revenu pour un match. Il est revenu pour un match? Il venait pour un match. Fait que c'est pour ça qu'il voulait qu'on joue le troisième match qu'on va jouer dans l'année contre eux, au lieu de jouer à Chibougamau. Qu'on joue avec Homo parce qu'on était vu qu'on était déjà là. Là, l'entente est que supposé l'an prochain, c'est eux qui viennent pour trois matchs. OK. Parce que c'est tout que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est la première fois que ça arrive. Tu sais, ça fait quand même quoi, 4-5 ans que je fais les ambassadeurs de Chibougamau. Puis c'est la première fois que ça arrive, donc certainement qu'il y a de quoi. OK. Fait que donc on va y aller avec comme on le fait toutes les semaines avec un résumé de ces rencontres-là. D'abord, ça a commencé samedi à Bécomo, défaite de 4-2 contre les Vikings. Ouais, c'est ça. Là, c'est 4-2. On avait joué pas la fin de semaine d'avant, l'autre. Après ça, on avait eu 4-5 bonnes pratiques. Il restait à mettre ça en exécution un peu sur la glace qu'on avait pratiqué. Fait que là, ça a été une petite période d'adaptation là pour notre jeune noyau. Fait que là, la défaite de 4-2 était quand même encourageante. On avait vu des belles choses. Là, OK. Et 5-0 dans l'autre match? Ouais, c'est ça. L'autre match, là, on a eu je dis pas un relâchement, là, mais on a fallu qu'on ajuste certains points au point de vue de notre éthique. Là. C'est ce que ça fait au début de saison. Souvent on a un nouveau noyau, eux autres ont un nouveau coach, fait que ça prend une petite période d'acceptation et d'adaptation. Fait que là, ce match-là, on en a profité pour combiner ça, ces deux points. Et samedi, dimanche, autre match avec Homo, là, c'était une victoire de 6-1. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Là, on a réglé, comme je te disais, on a réglé des points. Très strict du point de vue d'éthique et tout ça. Fait que je pense que ça s'est répercuté tout de suite le lendemain. Les petits gars ont bien répondu, là, ce côté-là. J'étais content de voir ça. C'était une toute nouvelle équipe que j'avais sur la patinoire ce matin-là. OK. C'était okay. Et dans l'autre match, 6-3 contre les Orioles de Jonquière. Ouais, ben, ce match-là, le pointage ne reflète pas trop la partie, là. C'était 4-1 au début de troisième. Okay. On a monté ça 4-3. Ça a été 4-3 quasiment toute la troisième période. Là, à la fin, on s'est acheté 5-3. Puis après ça, c'était un but d'un filet désert. Mais encore là, on parlait de quatrième match en 30 heures. Maintenant, les gars, c'est pas des robots. Là, fait que je pense pas que je pouvais retomber lui fesser sa tête avec cette défaite-là. Je pense que même avec ce que j'ai vu, j'avais pas le choix de les féliciter puis prendre ça positif avec ce que j'avais vu. Ça doit être le même problème que les autres années, manque de joueurs à Chibougamau, ça a toujours été ça, mais t'étais-tu amené quand même des joueurs en surplus, des PE? Tu devais en avoir quelques-uns quand même? Les PE, je t'ai dit qu'on n'a pas beaucoup de PE. Cette année, nous autres, ça va être les bantams, probablement, une coupe de bantams qu'on va mettre PE, mais les midgets, là, on a fait un virage jeunesse cette année. Là, notre noyau, c'est un noyau de jeunes joueurs. Fait que, tu sais, les 17 ans, souvent, qu'on prend pas, ben, ils veulent pas être PE. C'est pour ça que ça va être probablement les bantams. OK. Donc, encore une fois, deux matchs en fin de semaine à 21h, vendredi soir contre les Castors qui vont bien. Les Castors, c'est pas mal le fun de les voir. On va bien. Pour faire des entrevues avec les Castors, c'est le fun. C'était pénible aussi les autres années. Et vous allez affronter deux fois les Aiglons d'Allemagne. Pas facile encore, là. Oui, Non, mais c'est ça. Je suis content de voir que les Castors ont une meilleure équipe, là, comme tu disais. C'était toujours le fun avant les jouer là, c'était une bonne rivalité, il y avait une bonne foule, c'était tout le temps des matchs enlevant. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on avait peut-être perdu ça du côté des Castors. Là, ce qu'on voit un peu, ce qu'on entendait, c'est que ils ont une bonne petite équipe rapide, c'est que ça va être un bon test pour nous autres. Je suis bien content de les rencontrer tout de suite. Puis Alma, ben avec le je pense que ça serait supposé être une force cette année, avec le fait qu'ils ont seulement qu'une équipe, malgré le juvénile. Mmh. Là, ils ont seulement qu'une équipe, fait que on s'entend que ça devrait être une équipe de 17 ans. Je sais pas comment que ça a été monté, mais je suis encore là, j'ai hâte de jouer. Okay. Dis-moi, il y a pas beaucoup de matchs à la maison, c'est voulu ça? Ah ben là, c'est parce que notre arena était pas prête, on n'avait pas. Okay. Notre arena était brisée. Samedi, elle est réparée samedi. Okay. Fait que à partir du 24, là, pas en fin de semaine, mais l'autre, là, on va sortir ça à la maison. Fait que c'est sûr que c'est un lent départ. On aimerait ça tout jouer à la maison au début, mais si on regarde ça de l'autre côté, jouer ça à la route au début, ben ça peut-être créer une chimie. Les gars, on soupe ensemble, on voyage ensemble. Je pense que c'est ce côté-là, nous autres, ça va nous avoir. OK. Mais quoi, vous entraînez à Chapec, quoi? Ouais, c'est ça. Le camp d'entraînement était fait à Chapet. Toutes les pratiques sont faites à Chapet depuis le mois de septembre. Fait qu'on a hâte Ben, Michael, on s'en reparle mercredi prochain pour la chronique des ambassadeurs de Chibougamau. L'instructeur-chef des ambassadeurs, Michael Gaudreau.